L'Office de coordination des Nations unies des affaires humanitaires et l'UNICEF ont décidé une coopération urgente en République populaire démocratique de Corée relativement au sinistre dans la région nord de la province du Hamgyong du Nord.